Chapitre 15 Frédégonde, reine de France. 1. La cour d'un roi franc. La présente histoire nous transporte au VIe siècle, à la cour du roi de Soissons. À quelques lieues de cette ville coule la petite rivière, la Brenne. Là, au commencement du VIe siècle, se trouvait une de ces fermes immenses où les rois francs tenaient leur cour et qu'ils préféraient aux plus belles villes de la Gaule. Les habitudes nomades de ces sauvages conquérants s'accommodaient mal du contact des mœurs policées et de l'enceinte étroite des murailles d'une cité. Il leur fallait l'espace, les champs et la forêt, les grandes chasses et les voyages. Leur résidence se composait d'un vaste bâtiment entouré des portiques d'architecture romaine, quelquefois construits en bois poli, avec soin et ornés de sculptures. Autour du principal corps de logis, étaient les habitations des officiers du palais, barbares ou romains d'origine, et celles des chefs de bande qui, selon la coutume germanique, s'étaient engagés avec leurs guerriers dans la truste du roi. D'autres maisons de moindre apparence étaient occupées par des familles d'artisans. Tous les métiers y étaient représentés, depuis l'orfèvrerie et la fabrique d'armes jusqu'aux métiers les plus humbles, depuis la broderie d'or et d'argent jusqu'au tissage du chanvre. Ces familles, pour la plupart, étaient d'origine gauloise. Puis venaient les bâtiments d'exploitation agricole, granges, étables, haras, bergeries, cabanes de serre. Brenne était le séjour favori de Clotaire, ou comme on écrit plus communément, Clotaire, le dernier fils de Clovis, Clodovig. C'était là qu'il faisait garder les grands coffres à triple serrure qui renfermaient ses trésors. Là qu'il convoquait les synodes et les assemblées. Là qu'il donnait ses fêtes ou ses orgies pantagruéliques, où des tonneaux défoncés et munis d'une écuelle étaient placés aux quatre coins d'une table chargée de sangliers et de chevreuils servis en entier. La chasse, la pêche et l'orgie occupaient la vie du roi. De Brenne, il transportait sa horde à Attigny, dans les Ardennes, et d'Attigny à Compiègne. Les villes n'avaient d'autres attraits pour lui que le prélèvement des impôts et le pillage. Les gallo-romains ne songeaient plus à résister à ces sauvages dominateurs. Tels étaient les rois francs descendants de Mérovig. Quant aux reines, un caprice du roi les élevait de la condition de bergère ou de servante au rang d'épouse ou de souveraine avec une étrange facilité. Augustin Thierry, à qui l'on doit s'en rapporter pour l'histoire de cette époque, si l'on ne préfère traduire Grégoire de Tours et la chronique de Saint-Denis, va nous donner un tableau de ces galanteries barbares. Clotaire, dit-il, dont il n'est pas facile de compter et de classer les mariages, épousa de cette manière une jeune fille de la plus basse naissance, nommée Ingonde, sans renoncer d'ailleurs à ses habitudes déréglées qu'elle tolérait comme femme et comme esclave avec une extrême soumission. Il l'aimait beaucoup et vivait avec elle en parfaite intelligence. Un jour, elle lui dit « Le roi, monseigneur, a fait de sa servante ce qui lui a plu et m'a appelée à son lit. » Il mettrait le comble à ses bonnes grâces en accueillant la requête de sa servante. « J'ai une sœur nommée Arégonde et attachée à votre service. Daignez lui procurer, je vous prie, un mari qui soit vaillant et qui ait du bien, afin que je n'aie pas d'humiliation à cause d'elle. » Cette demande, en piquant la curiosité du roi, éveilla son humeur libertine. Il partit le jour même pour le domaine sur lequel habitait Arégonde et où elle exerçait un de ses métiers alors dévolus aux femmes, tels que le tissage et la teinture des étoffes. Clotaire, trouvant qu'elle était pour le moins aussi belle que sa sœur, la prit avec lui, l'installa dans sa chambre royale et lui donna le titre d'épouse. Au bout de quelques jours, il revint auprès d'Ingonde et lui dit, avec ce ton de bonhomie sournoise qui était un des traits de son caractère germanique, « La grâce que ta douceur désirait de moi, j'ai songé à te l'accorder. J'ai cherché pour ta sœur un homme riche et sage, et je n'ai rien trouvé de mieux que moi-même. Apprends donc que j'ai fait d'elle mon épouse, ce qui, je pense, ne te déplaira pas. » « Que monseigneur, répondit Ingonde, sans paraître ému et sans se départir aucunement de son esprit de patience et d'abnégation conjugale. Que monseigneur fasse ce qui lui semble à propos, pourvu seulement que sa servante ne perde rien de ses bonnes grâces. » Les fils de ce bon roi furent dignes de leur père. Ses héritiers légitimes, on ne compte pas les bâtards, se nommaient Aribert, Gontram, Hilpéric et Sigebert. En 561, à la suite des fatigues causées par les grandes chasses d'automne, Clotaire mourut. À peine les funérailles terminées, Hilpéric partit de Soissons pour Braine, s'empara de tout, fit largesses aux guerriers, se fit proclamer roi et, suivi du clan royal, prit le chemin de Paris. Paris, à cette époque, avait conservé le prestige de résidence impériale et d'une ville forte. Hilpéric s'établit dans le palais des Césars, dont les bâtiments descendaient jusqu'à la rive de la Seine. Les Parisiens ne lui firent aucune opposition et ne lui demandèrent point des nouvelles de ses frères restés à Braine et à Soissons. Le jeune roi franc se plaisait dans son nouveau séjour et se croyait plus grand depuis qu'il habitait les restes d'un palais de Julien. Il affectait d'aimer le latin et prétendait ressusciter les mœurs et les plaisirs de l'ancienne préfecture romaine. Il renouvela les combats du cirque, probablement dans les arènes découvertes dernièrement, rue Monge. Cependant, ses frères s'avançaient menaçants pour réclamer leur part d'héritage. Un conflit était imminent. Gontram, le plus rusé des quatre, bien qu'il ne fût pas le moins avide, renonça à sa part des biens pillés à Braine et engagea Aribert et Sigebert à l'imiter et à ne réclamer qu'un partage du territoire. Comme des bandits se partagent les dépouilles amassées en les tirant au sort, les quatre fils du roi Clotaire tirèrent au sort les territoires et les villes sans aucune considération de convenance politique ou géographique. La Gaule se trouva divisée en quatre royaumes dont les limites étaient difficiles à fixer. Hilpéric prit le royaume d'Occident, dont Soissons resta la capitale et qui s'étendait de l'Escaut à la Loire. Sigebert se fixa à Metz, Gontram à Chalon-sur-Saône, Aribert à Bordeaux. Paris fut partagé en quatre. Il fut convenu qu'aucun des quatre rois ne pourrait y entrer sans le consentement des trois autres. Mais laissons les faits de cet ordre aux pages de l'histoire sérieuse et revenons aux exploits galants de nos héros. De même que leur père, les fils de Clotaire, à l'exception de Sigebert, aimaient le changement et divorçaient avec une extrême facilité. Hilpéric surtout se distinguait par son incontinence. C'est celui auquel on attribue le plus grand nombre de femmes, épousées, d'après la loi des Francs, par l'anneau et par le denier. L'une de ses reines, Audovaire, avait à son service une jeune fille nommée Frédégonde, d'origine franque, née à Montdidier en 543, de parents obscurs. Cette fille était d'une beauté remarquable et dès que le roi l'eut vue, il se prit d'amour pour elle. Audovaire ne s'alarma point d'un caprice qu'elle croyait éphémère et qui devait servir d'origine aux plus sanglantes tragédies. 2. Frédégonde. Frédégonde, de son côté, ne craignit point d'éveiller la jalousie de sa maîtresse. Aussi rusée qu'ambitieuse, elle entreprit d'amener, sans se compromettre, les motifs légaux de séparation entre le roi et la reine Audovaire. Si l'on en croit la tradition, elle y réussit grâce à la connivence d'un évêque et à la simplicité de la reine. Hilpéric, dit Augustin Thierry, venait de se joindre à son frère Sigebert pour marcher au-delà du Rhin contre les peuples de la Confédération saxonne. Il avait laissé Audovaire enceinte de plusieurs mois. Avant qu'il fût de retour, elle accoucha d'une fille, et ne sachant si elle devait la faire baptiser en l'absence de son mari, elle consulta Frédégonde, qui, parfaitement habile à dissimuler, lui inspirait une entière confiance. « Madame, répondit la suivante, lorsque le roi, monseigneur, reviendra victorieux, pourrait-il voir sa fille avec plaisir si elle n'était baptisée ?» La reine prit ce conseil en bonne part, et Frédégonde se mit à préparer sourdement, à force d'intrigue, le piège qu'elle voulait lui dresser. Quand le jour du baptême fut venu, à l'heure indiquée pour la cérémonie, le baptistère était orné de tentures et de guirlandes. L'évêque, en habits pontificaux, était présent, mais la marraine, noble dame franque, n'arrivait pas et on l'attendait en vain. La reine, surprise de ce contretemps, ne savait que résoudre quand Frédégonde, qui se tenait près d'elle, lui dit « Qu'y a-t-il besoin de s'inquiéter d'une marraine ?» Aucune dame ne vous vaut pour tenir votre fille sur les fonds. Si vous m'en croyez, tenez-la vous-même. » L'évêque, au mépris de ses devoirs, accomplit le baptême, et la reine se retira sans comprendre de quelles conséquences était pour elle l'acte religieux qu'elle venait de faire. Au retour du roi Hilpéric, toutes les jeunes filles du domaine royal allèrent à sa rencontre, portant des fleurs et chantant des vers à sa louange. Frédégonde, en l'abordant, lui dit « Dieu soit loué de ce que le roi, notre Seigneur, a remporté la victoire sur ses ennemis, et de ce qu'une fille lui est née. Mais avec qui, mon Seigneur, couchera-t-il cette nuit ? car la reine, ma maîtresse, est aujourd'hui commère et marraine de ta fille, Ildesvind. » Eh bien, répondit le roi d'un ton jovial, si je ne puis coucher avec elle, je coucherai avec toi. Sous le portique du palais, Ilpéric trouva sa femme, Odover, tenant entre ses bras son enfant qu'elle venait lui présenter avec une joie mêlée d'orgueil. Mais le roi, affectant un air de regret, lui dit : Femme, dans ta simplicité, tu as fait une chose criminelle. Désormais, tu ne peux plus être mon épouse. En rigide observateur des lois canoniques, le roi punit de l'exil l'évêque et engagea Odover à prendre le voile. Pour la consoler, il lui donna plusieurs domaines d'une valeur considérable. Elle se résigna et choisit un monastère, au Mans. Ilpéric épousa Frédégonde, et ce fut au milieu du bruit des fêtes de ce mariage que la reine répudiée partit pour sa retraite, où, 15 ans plus tard, elle fut mise à mort par les ordres de son ancienne servante. Frédégonde eut le titre et les honneurs d'une reine, cependant elle n'eut pas le titre d'épouse. Voici pourquoi. Le plus jeune des 4 fils de Clotaire, Sigebert, roi de Metz, voyait avec mépris les désordres de ses frères, car Gontram et Aribert ne menaient point une conduite plus sage que celle du roi de Soissons. Il n'avait pas de femme, il résolut d'en obtenir une de race royale. Il avait appris que le roi des Goths, Athanagilde, avait 2 filles en âge de se marier. Tolède, capitale du royaume des Goths, était à cette époque fort éloignée de la Lorraine. Cependant, par les marchands et les poètes voyageurs, la renommée de la beauté de Brunehilde, la plus jeune des filles du roi Goth, était parvenue jusqu'à Sigebert. Il résolut de la demander en mariage. Il composa avec soin une ambassade riche et nombreuse et la chargea de présents pour le roi de Tolède. Godeschisel, maire du palais d'Austrasie, était le chef de cette ambassade. C'était un homme instruit et intelligent. Il savait que les Goths avaient dépouillé en Espagne leurs mœurs barbares pour les mœurs plus douces des peuples qu'ils avaient envahis. Il se garda d'effrayer la cour d'Athanagilde par les sauvages costumes des guerriers francs et tout ce qui trahissait la férocité et la rudesse des forêts du Nord. Bref, il obtint un succès complet et, au bout de 2 mois, il put emmener en Austrasie la belle Brunehilde. Ce voyage fut un long triomphe pour cette jeune princesse, dont la beauté était relevée par le charme des manières et d'une éducation parfaite. Elle arriva à Metz en 566, et les fêtes du mariage furent d'une magnificence toute nouvelle pour un peuple franc. Tous les seigneurs, vassaux ou alliés de la couronne de Metz voulurent y prendre part. Cet enthousiasme et le bruit des agapes merveilleuses de ce mariage blessèrent l'orgueil d'Ilpéric et excitèrent sa jalousie. Il trouva Frédégonde indigne de lui et résolut de prendre, comme Sigebert, une épouse royale. À cette époque, les rois n'avaient pas encore les ressources que leur offrirent plus tard les petites cours allemandes. N'ayant pas l'almanach de Gotha, Ilpéric ne vit rien de mieux que de se tourner vers la seconde fille du roi Athanagilde. Il suivit l'exemple de son frère. Il envoya donc une ambassade au roi des Goths pour lui demander la main de sa fille aînée, Galswind. Mais cette ambassade n'était point aussi bien composée que la première, et elle ne justifiait que trop les bruits qui étaient parvenus. Ces gens-là aimaient trop à boire. Galswind, princesse d'un caractère doux, d'une sensibilité vive et timide, incertaine encore sur le sort de sa sœur, suppliait son père de ne pas conclure. Elle était appuyée par sa mère, dont elle était adorée. Le roi ne cacha pas aux envoyés de la cour de Brenne les raisons de son hésitation. « Votre roi, leur dit-il, a répudié Odver et l'a remplacé par sa servante, Frédégonde. Il est de plus entouré d'un grand nombre de concubines. Ses mœurs ne sont ni d'un chrétien, ni d'un roi. Qu'il s'engage par serment à congédier toutes ses femmes et à vivre selon la loi de Dieu avec sa nouvelle épouse. » Des courriers partirent pour Brenne et ils revinrent avec la promesse formelle d'Ilpéric d'abandonner tout ce qu'il avait de reines et de maîtresses, pourvu qu'il obtînt une femme digne de lui. Ces promesses n'apportaient point la certitude, mais le roi Goth avait réfléchi sur les intérêts politiques d'une alliance avec ses voisins du Nord. Ilpéric était le frère d'Aribert qui régnait jusqu'à Bigorre. Il se laissa convaincre. On discuta la dot. Le roi de Soissons la voulait égale à celle qu'avait reçue le roi de Metz. Ce point fut accordé, mais Athanagilde réclama le présent du lendemain, selon la coutume germaine. Au réveil de la mariée, l'époux lui devait un don quelconque pour prix de sa virginité, coutume barbare qui introduisait dans le mariage la vénalité de la prostitution. Cela s'appelait Morgan Gabé ou Morgan Giba. Près d'une année se passa en semblables discussions, et sur ces entrefaites, le roi Haribert mourut à Bordeaux. Ici se place un épisode charmant. Haribert avait pour sultane favorite une nommée Théodéhilde, fille d'un berger. À la mort de son époux, cette femme s'empressa de mettre la main sur le trésor royal. Or et argent, vaisselle, linge et meubles de prix, armes, chevaux et chariots. Ainsi lotie, elle songea à prendre un époux et se proposa au seul de ses beaux-frères qui n'eut pas trop de femmes, le doux et prudent Gontram. Gontram fut enchanté de la proposition. « Dites-lui, répondit-il, qu'elle se hâte de venir avec son trésor, car je veux l'épouser et la rendre grande aux yeux des peuples. Je veux même qu'auprès de moi elle jouisse de plus d'honneur qu'avec mon frère qui vient de mourir. » Ravi de voir se dénouer si promptement une négociation aussi délicate, Théodéhilde partit pour Chalon-sur-Saône, suivie d'une longue file de chariots pesamment chargés. À la nouvelle de son arrivée, le bon roi Gontram s'empressa d'aller au-devant de la caravane. La vue de ces nombreux chariots le combla de joie. Il les compta, puis en examina le contenu, puis en fit retirer les coffres d'or et d'argent et les pesa. La femme attendait immobile et surprise qu'il daignât s'occuper d'elle, mais Gontram la laissa se morfondre. Et, se tournant vers les siens, « Ne vaut-il pas mieux, leur dit-il, que ces trésors m'appartiennent, plutôt qu'à cette femme, qui ne méritait pas l'honneur que mon frère lui a fait en la recevant dans son lit ?»« Ah, Seigneur, quelle profonde sagesse! Cette femme n'ajoute aucun prix à ses richesses, qui d'ailleurs vous appartenaient. »« Je lui laisse deux chariots, dit le roi, pour se rendre à Arles, où elle entrera dans un monastère. » De cette façon, Gontram se vengea d'Ilpéric, qui avait confisqué le trésor de Brenne. Ni ce dernier, ni Sigebert ne réclamèrent, mais on procéda à un nouveau partage de territoire. Le sort donna en partage à Ilpéric plusieurs villes qui confinaient au royaume des Goths. C'était Limoges, Cahors, Bordeaux, Béarn et Bigorre, et leur territoire. Il les offrit en don du matin, mais en retour d'une dot en argent plus considérable. L'argent lui était plus précieux que les villes. 3. Galsuinde et Frédégonde. Le mariage fut ainsi décidé. Mais quand les négociateurs furent sur le point de parler à Galsuinde de son prochain départ, ils la virent se jeter en pleurant dans les bras de sa mère, et la douleur de la reine et de sa fille les engagea à différer. Ils attendirent 2 jours. Puis ils se présentèrent de nouveau au palais pour fixer le jour du voyage. Alors les deux femmes s'ingénièrent à créer chaque jour un nouvel empêchement. Elles ne pouvaient se résigner à se séparer, et le roi, cachant sa propre émotion, faisait de vains efforts pour leur rendre courage. Les Francs ne s'offensèrent point de ces retards et les acceptèrent avec une courtoise condescendance. Enfin le départ eut lieu, Galsuinde quitta son pays natal, mais sa mère l'accompagna. « J'irai jusqu'à la prochaine ville, » disait-elle. Puis là, faiblissant de nouveau, « Je t'accompagnerai pendant quelques heures encore. » Voulait-elle s'éloigner, sa fille la retenait. Elle suivit ainsi Galsuinde au-delà des Pyrénées. Mais la suite nombreuse de la reine augmentait les embarras et les lenteurs de ce long voyage. Elle comprit enfin qu'elle devait se résigner à une inévitable séparation. Les adieux de la mère et de la fille furent déchirants. Le poète Fortunatus nous en a gardé l'écho. « Sois heureuse, » dit la mère en s'arrachant au dernier baiser de sa fille. « Sois heureuse, mais j'ai peur pour toi. Oh, prends garde, ma fille, prends garde. » « Dieu le veut, ma mère, » répondit Galsuinde, « soumettons-nous à sa volonté. » Puis les deux escortes se séparèrent, et longtemps encore la reine et sa fille se suivirent des yeux. La fiancée ne se dirigeait point vers Brenne. Ilpéric avait compris qu'il eût été inconvenant de célébrer son mariage dans un lieu rempli du bruit de ses amours. Il avait choisi Rouen. Il usait d'ailleurs pour sa fiancée d'un cérémonial extraordinaire. À chaque ville, l'escorte de la princesse faisait halte. Galsuinde descendait du lourd chariot attelé de bœufs, procédait à une toilette de cérémonie, puis montait sur un char de parade en forme de tour couvert de plaques d'argent. Moins belle que sa sœur Brunehilde, mais gracieuse comme elle, elle se faisait remarquer par le charme de ses manières et de ses discours. Cependant, Ilpéric avait tenu ses promesses. il avait congédié ses femmes et Frédégonde elle-même. Celle-ci avait accepté le congé du roi, son seigneur, avec une apparente résignation. Seulement, comme dernière faveur, elle avait demandé à ne pas être éloignée du palais et à reprendre sa place d'autrefois parmi les femmes employées au service royal. Hilpéric y avait consenti. Il ne se méfiait point de Frédégonde, il avait trop d'orgueil pour cela, et, de son côté, il ne pressentait aucun danger. Il était sincère dans sa conversion à la monogamie. Il se réjouissait d'avoir une femme considérable par sa naissance et par ses richesses. Il lui semblait prendre rang ainsi parmi les plus grands monarques du monde. Sa vanité l'aveuglait. Les noces furent célébrées avec autant de magnificence que celles de Brunhilde. La reine fut traitée avec des honneurs extraordinaires dont le spectacle dut déchirer de jalousie le cœur de Frédégonde. Tous les seigneurs jurèrent fidélité à Galswind comme à un roi. Le lendemain du mariage, le roi, en présence de témoins choisis, prit dans sa main droite la main de sa nouvelle épouse et, de l'autre, il jeta sur elle un brin de paille, en prononçant à haute voix les noms des cinq villes qui devaient, à l'avenir, être la propriété de la reine. L'acte de cette donation fut dressé en latin. Tel était le présent du matin où Morgengabe. Les envoyés du roi Go s'en retournèrent à Tolède, chargés de présents et d'une lettre où la jeune reine essayait de calmer le chagrin de sa mère en lui faisant entrevoir un heureux avenir. Les premiers mois de cette union furent, en effet, assez paisibles, sinon heureux. Douce et patiente, Galswind savait supporter la brusquerie sauvage de son mari. Ainsi avait été Hodover, mais personne n'osait lui parler de cet infortuné. Hilpéric, à défaut d'une tendresse passionnée, lui témoignait d'ailleurs une véritable affection. Il croyait l'aimer. Il prenait pour de l'amour la satisfaction de sa vanité et de son avarice. Mais sa femme était moins belle que celle qu'il avait répudiée. Ses qualités morales, son peu d'orgueil, sa charité, étaient pour lui l'être close. Il lui fallait les ardeurs de la passion vraie ou feinte. Une sorte d'ennui physique l'envahit peu à peu. Frédégonde, qui l'épiait, lut dans ses yeux. Jusqu'alors, elle s'était tenue à l'écart, effacée et muette. C'était son rôle et son intérêt. Galswind ignorait sa présence ou ne l'apercevait pas. Mais, dès qu'elle eut surpris sur le visage du roi la froideur et l'ennui, elle rechercha toutes les occasions de se trouver sur son passage. Hilpéric en fut frappé comme à la vue d'une beauté nouvelle. Sa passion sensuelle se réveilla. « Ah ! Lui dit-il, que n'es-tu né de sang royal, toi dont la beauté est digne d'un trône ?»« Je suis toujours votre servante, » répondit Frédégonde. « Mon amour et ma beauté n'ont pas cessé de vous appartenir. Sont-ils indignes d'un si grand roi ? Sans doute, nous autres femmes du Nord, nous n'avons plus de charme à vos yeux, depuis que vous avez pris pour épouse la fille d'un roi aussi vertueuse que belle. L'amour franc a des emportements qui ne s'accordent pas avec la majesté royale. » « J'ai juré, » répondit Hilpéric. « Vous avez juré, monseigneur, de renvoyer la reine à sa première condition, et vous avez tenu votre serment. Mais vous n'avez point juré de ne pas la reprendre, du moins comme votre maîtresse. »« Tu as raison, » dit Hilpéric, qui s'appuya de cette subtilité. Et Frédégonde remonta d'un degré de l'emploi de servante au rang de favorite. Lorsqu'elle eut enivré le roi de sa propre passion, alors elle releva la tête. Elle fit éclat de son triomphe. Elle brava même l'indignation et la jalousie de la reine, affectant envers elle des airs hautains et dédaigneux. Galswind pleura d'abord en silence. Le roi surprit ses larmes et, au lieu d'en être touché, s'en irrita. Il lui reprocha sa tristesse qui, disait-il, lui faisait injure. « Je pleure sur moi, répondit-elle, de n'avoir pas su obtenir l'amour de mon époux. L'air de tristesse dont vous n'avez cessé d'être enveloppé est la première cause de ma froideur. Cette froideur a une autre cause. En m'appelant ici, vous avez éloigné la femme qui partageait votre lit, mais vous n'avez point banni de votre cœur la passion que vous aviez pour elle. Elle était reine, elle ne l'est plus. Elle règne ici plus que moi, et la faveur dont elle jouit, grâce à elle, n'est ignorée de personne dans ce palais. Mes ordres sont méprisés, la solitude se fait autour de moi. La disgrâce où je suis tombée est un sujet de constantes humiliations pour moi. Fille de roi, j'ai à subir les insultes d'une servante. Épouse de roi, j'ai à subir les dédains d'une concubine. Ah, plutôt au ciel que je n'eusse pas quitté l'Espagne !» Ces plaintes demeurèrent sans résultat, ou plutôt ne firent qu'accroître l'irritation d'Hilpéric qui ne garda plus aucun ménagement. La vie devint insupportable à Galsuinde, dans cette cour étrangère, où elle n'avait pas eu le temps de se créer une seule amitié, dans ce pays dont le climat, moins beau que celui d'Espagne, contribuait encore à l'attrister. « Puisque vous me délaissez, puisque vous ne pouvez m'aimer, » dit-elle enfin à Lupéric, « accordez-moi la seule grâce qui ne coûte rien à votre inimitié. Que désirez-vous ? Répudiez-moi et donnez-moi les moyens de regagner l'Espagne. » À cette proposition imprévue, Lupéric fronça le sourcil. « Que prétendez-vous là ? » fit-il, songeant à la fois aux conséquences politiques et financières d'un acte semblable. « Allez-vous me susciter la haine de vos parents et allumer la guerre ?» Dieu m'est témoin que je n'ai point cette pensée, je n'ai aucune idée de vengeance, et je sollicite de vous le divorce comme une grâce, comme un bienfait. Vous n'aurez rien à craindre, et qu'aurez-vous à perdre? Je vous abandonne de grand cœur tous les biens que je vous ai apportés. Un chariot et quelques valets pour regagner Tolède, voilà tout ce que j'implore de votre générosité. Revoir mon pays, mes parents, recouvrer ma vie paisible et libre d'autrefois, me seront plus précieux que l'honneur de partager votre couronne. Lupéric l'écoutait, mais sans la croire. Tout d'abord, il avait craint pour la dot, et il ne pouvait croire au désintéressement de Galsuinde. Quoi ? Elle s'en retournerait sans ses objets d'or et d'argent dont elle avait enrichi son palais, sans ses cassettes de perles et de bijoux ? C'était pour lui invraisemblable. Il se méfia, mais ne laissa rien percer de ses sentiments. « Votre résolution m'afflige, répondit-il, et me prouve que j'ai des torts envers vous. Il faut que j'aie été bien coupable pour vous pousser ainsi au désespoir. Eh bien, je veux m'amender, et je vous prie, en retour de mes bonnes intentions, de prendre patience. » À partir de ce jour, en effet, Lupéric essaya de donner à sa femme quelques marques d'affection et les distractions nécessaires pour combattre sa nostalgie. Frédégonde en fut inquiète. « Monseigneur retourne vers sa dame romaine, » lui dit-elle avec amertume. « Je veux prévenir une querelle, » répondit Lupéric. Elle me demande comme grâce d'être répudiée. Elle m'offre de m'abandonner tous ses biens pourvu que je lui permette de retourner dans son pays. Et vous refusez ? Puis-je croire à tant de désintéressement ? Je me méfie et m'efforce de calmer sa colère. Attendez-vous à des nouvelles d'Espagne. Quelque courrier sera parti pour Tolède et un de ces jours vous allez voir arriver ici une ambassade du roi Go. Lupéric fut frappé de cette observation. « Tu as le bon sens des femmes germaines, » répondit-il. Les Germains consultent leurs femmes avant de prendre une résolution. Elles ont souvent le sentiment des choses à venir. Oui, je dois m'attendre à quelques messages d'Espagne. Mais serais-tu instruite du départ d'un courrier ? Non, monseigneur, mais puisque votre épouse n'aime que ses parents, elle ne peut chercher d'appui que chez eux. Considérez bien le présent et vous pourrez en tirer la connaissance de l'avenir. Demandez-vous ce que doit faire votre femme, ce que lui commande son intérêt. C'est de retourner dans sa patrie. Et pour arriver à ce but, que doit-elle faire ? S'adresser à ses parents en même temps qu'à vous. Mais la dot, fit Lupéric, peut-être ne songe-t-elle pas à la reprendre ? Tu crois ? Fit joyeusement le roi. Mais qu'importe ? Que dis-tu ? Oui, qu'importe, c'est l'affaire de son père, c'est le roi Athanagilde que cet intérêt regarde, n'est-il pas vrai ? Le front du roi s'assombrit aussitôt, ses craintes étaient fixées. Convaincu du danger que couraient les trésors apportés de Tolède, il ne songea plus qu'à s'en assurer la possession. Frédégonde, avec son habileté ordinaire, entretenait ses craintes au point de les exaspérer. Un soir, enfin, plus tourmenté encore que de coutume, « Que penses-tu » demanda-t-il à sa maîtresse. « Quand donc la possession de ces biens me sera-t-elle assurée ?»« Elle vous sera assurée, ô mon roi, quand Galsuinde sera morte. » « Eh bien, » fit Lupéric avec violence, « je ne puis souffrir plus longtemps. Qu'elle meure donc, de suite. »« Est-ce votre volonté ?» demanda Frédégonde. « C'est ma volonté. » Frédégonde sortit de la chambre royale et, un instant après, y rentra, suivi d'un jeune guerrier franc. Ce jeune homme appartenait à la garde personnelle du roi. Il avait, comme ses compagnons d'armes, voué son âme et sa vie au service et à la défense du roi. À toute heure, en toutes circonstances, pour n'importe quelle action, il était prêt. Il s'inclina en silence devant le roi et attendit ses ordres. Lupéric lui dit « Entre dans la chambre voisine. Une femme y est couchée. Tu t'approcheras d'elle sans te faire attendre et tu l'étrangleras. Si cette femme crie, ses cris seront entendus, des gardes accourront et tu seras tué. Si cette femme meurt sans avoir crié, oublie ce que je viens de te dire et ce que tu auras fait. Va, telle est ma volonté. » Le jeune guerrier s'inclina de nouveau et s'éloigna. Le lendemain, des cris de terreur et des lamentations surprirent le roi à son réveil. Il s'informa de leur cause et on lui apprit que la reine Galsvind avait cessé de vivre. Ses femmes, en entrant dans sa chambre, l'avaient trouvée morte sur son lit. Ilpéric, à cette nouvelle, montra une vive surprise et une profonde affliction. Il commanda des funérailles magnifiques, mais il ne rechercha point les causes de ce trépas subi. Les traces de la strangulation étaient visibles, mais personne n'osa paraître les apercevoir parce que tout le monde connaissait le meurtrier. Ce crime répandit l'effroi et la consternation. Galsvind était bonne et charitable. Sa jeunesse, ses malheurs, sa bonté lui avaient fait des amis chez les serfs misérables du domaine royal. Elle fut pleurée des pauvres gens qui se racontèrent sa mort en l'entourant de circonstances qui nous feraient sourire aujourd'hui, mais qui frappaient leur imagination superstitieuse. On racontait qu'une lampe de cristal pendue près du tombeau de Galsvind, le jour de ses funérailles, s'était détachée subitement sans que personne y portât la main et était tombée sur le pavé de marbre sans se briser ni s'éteindre. Ainsi s'étaient justifiés les tristes pressentiments de la reine des Goths. Quant à Frédégonde, après quelques jours de deuil, elle reprit tous ses droits d'épouse et de reine des Francs de Neustrie. 4. Sigebert. Cependant, les conséquences du crime ne devaient pas s'arrêter au triomphe de Frédégonde. La nouvelle, en se répandant, soulevait partout l'indignation, et, en arrivant à Metz, elle provoqua chez Brunehilde et son mari une explosion de douleur et de colère. Sigebert accusa hautement Ilpéric et convoqua une assemblée des seigneurs francs de son royaume en priant les seigneurs des deux autres états de se joindre à eux. Ces assises solennelles se réunirent. Guntram y prit part avec ses grands vassaux. L'accusation de meurtre portée contre le roi Ilpéric fut entendue et un délai de 14 jours fut accordé au roi de Soissons pour se justifier. Pouvait-on s'attendre à ce que celui-ci se résignât au rôle d'accusé ? Ces 14 jours devaient être employés en préparatifs de guerre. Guntram, le prudent, intervint et put maintenir la paix. Mais cette paix ne pouvait être qu'une trêve. Brunehilde était une femme d'un caractère mieux trempé, plus énergique que celui de sa malheureuse sœur, et ne devait pas se résigner à laisser le meurtre de celle-ci impuni. C'était pousser Sigebert à une guerre fratricide. Mais derrière Ilpéric, elle voyait la véritable coupable, Frédégonde. De même que celle-ci savait déjà qu'elle n'aurait plus de repos tant que vivrait Brunehilde. La guerre était en réalité entre ces deux femmes, si différentes de nature, d'éducation et de mœurs. Entre elles allait commencer un duel à mort. Cependant, Ilpéric, toujours tourmenté par la cupidité, voulut reprendre les 5 villes données à sa femme en don du matin. Et voilà la guerre allumée. Nous n'en raconterons pas toutes les péripéties. L'intérêt de notre récit n'est point dans ses exploits guerriers. Disons seulement que le succès couronna d'abord ceux qui combattaient pour le bon droit. Ilpéric fut repoussé et battu. Un de ses fils fut tué et son cadavre, abandonné sur le champ de bataille, après avoir été dépouillé par l'ennemi, fut relevé et enterré par charité. Enfin, il se trouva assiégé, dans Tournai, par son frère Sigebert. Inférieur en force, il pouvait compter les jours de sa résistance. Il allait donc tomber entre les mains de l'époux de Brunehilde et il ne pouvait compter sur la clémence du vainqueur. L'heure du châtiment allait sonner pour lui et pour Frédégonde. Celle-ci l'accompagnait et était avec lui enfermée dans Tournai. Mais elle ne se laissait pas abattre et, loin de désespérer, cherchait dans son esprit, fertile en inventions infernales, le moyen de sortir de cette impasse. Un jour, sans prendre l'avis d'Ilpéric, elle appela près d'elle 2 de ses jeunes gardes dont nous avons déjà vu le terrible rôle. Comme reine, elle pouvait leur donner des ordres, mais aussi comme femme, elle pouvait ajouter à son autorité la puissante influence d'une beauté fascinatrice. Elle leur versa à boire de ses propres mains, et lorsqu'elle les eut à demi enivrés de liqueur et de paroles caressantes, « Jeunes guerriers, leur dit-elle, vous avez été choisis pour délivrer le roi, notre seigneur, et son armée. Votre courage bien connu vous a désigné pour cette glorieuse entreprise qui éternisera la mémoire de vos noms. Vous savez que la ville est menacée d'être prise par un assaut prochain, si elle ne succombe pas par la famine, et si vous n'étiez choisi pour exécuter les ordres que je vais vous donner, vous ne pourriez attendre dans ces murs qu'une mort certaine, mais sans gloire. Voici les ordres de votre reine. Vous allez vous rendre au camp de Sigebert, et vous demanderez à remettre au roi une lettre du roi Ilpéric, son frère. Voici la lettre, ajouta Frédégonde. Le roi Sigebert s'avancera hors de sa tente pour vous recevoir. L'un de vous ploiera le genou et lui remettra la lettre. Et au moment où le roi la prendra, il se relèvera et le frappera au cœur, à la poitrine, n'importe où, avec ce scramazax. N'importe où, dis-je. Le scramazax est empoisonné, et la moindre de ses blessures sera mortelle. En parlant ainsi, Frédégonde remit à chacun des deux jeunes gens un long couteau dont elle avait pris soin elle-même d'empoisonner la lame. Les deux esclaves fanatisés n'avaient aucune objection à faire, et d'ailleurs une hésitation de leur part eût été à l'instant punie de mort. Ils baisèrent la main de la reine, prirent la lettre et les couteaux et s'éloignèrent. Le vieux de la montagne, le roi des assassins, n'avait pas des esclaves plus fanatiques et plus obéissants. Frédégonde leur donna des chevaux et une escorte convenable à des parlementaires. Ils quittèrent Tournai et arrivèrent au camp de Sigebert. Dans ce camp régnait le calme que donne l'assurance d'une prochaine victoire. En voyant les parlementaires d'Ilpéric, le roi de Metz s'attendait à quelques propositions de capitulation, et Brunhilde l'encourageait à les repousser. Point de grâce pour Frédégonde! Des cavaliers austrasiens allèrent au-devant des parlementaires et les conduisirent devant Sigebert. Celui-ci, ainsi que Frédégonde l'avait prévu, sortit de sa tente sans aucune méfiance et attendit les deux gardes d'Ilpéric. Ils s'avançaient l'un derrière l'autre. Le premier ploya le genou et tendit la lettre au roi, qui se baissa pour la prendre. Au moment où Sigebert se relevait pour lire la missive de son frère, il reçut un coup de couteau en pleine poitrine et tomba. Les seigneurs qui l'entouraient poussèrent un cri d'horreur et se précipitèrent sur les assassins qui déjà couraient à leurs chevaux. Force fut à ces misérables de s'arrêter et de se défendre. Les deux scramazax empoisonnés firent alors de nouvelles et nombreuses victimes. Ce fut une lutte désespérée, mais ils ne pouvaient échapper et bientôt ils roulèrent sur le sol, percés de 1000 coups. Dépeindre la douleur de Brunhilde et la fureur des guerriers austrasiens serait impossible. Mais aux malédictions lancées contre le fratricide se mêlaient les menaces et les avis les plus contraires. Les uns voulaient se ruer à l'assaut de Tournai. Les autres, au contraire, songeaient déjà au désordre dont la mort du roi allait être le signal dans l'armée et bientôt dans le royaume. La loi franque excluait les femmes du pouvoir. Sigebert mort, Brunhilde cessait de régner. Et cependant, avertis par l'escorte des deux assassins, les assiégés se réjouissaient du crime comme d'une victoire, reprenaient courage et se décidaient à profiter de la confusion de l'ennemi pour lui échapper et pour le surprendre. Les deux armées en vinrent aux mains et non loin de Tournai fut livrée une bataille nouvelle et décisive. Ilpéric prenait les proportions sinistres d'un monstre. Frédégonde et lui allaient-ils enfin recevoir le châtiment dû à tant de crimes? À qui resterait la victoire? À l'épée loyale ou au poignard empoisonné? C'est ce que nous allons voir dans le chapitre suivant.